Chapitre 23e. Toutes les joies traditionnelles de Noël finies, Barbara parut seule ou presque seule les premiers mois de l'année. Tout est silence autour d'elle. Le vent seul mugit dans ses lieux et semble se plaire à augmenter les ennuis de la pauvre exilée. La pluie tombe souvent en torrents sur le toit. Le ciel gris a quelque chose de mélancolique qui porte à la langueur. 3 mois se passent de la sorte. Prissy revient de Plymouth et son retour n'ajoute rien à l'agrément de Penrith Place, car après avoir entendu tant de sermons, il faut bien qu'elle en fasse à son tour. Elle prêche, en voyant Barbara qui tourne rapidement les feuillets d'un roman, qu'autrefois les femmes n'avaient de goût que pour les saintes lectures, les pieux exercices, d'autres occupations que leurs devoirs, et qu'on se délassait alors d'un soin de ménage par un autre. Elle se plaint de tout, du tintamarre que font les domestiques, de leur criaillerie et de leur gaspillage. « Quand je gouvernais la maison, » dit-elle, en voyant que le trousseau de clés qu'elle portait jadis toujours à la ceinture et posé sur la table, « les choses ne se passaient pas ainsi. Mais on a souvent remarqué avec justesse que moins on a de bien, plus on est prodigue. » Barbara ne répond à ces insinuations que par un soupir. Elle ne se soucie ni de l'approbation, ni de la désapprobation de Prissy. Mais elle tient à vivre en paix avec cette épineuse personne, et ne fait pas semblant de prendre garde à ses blessantes observations. Vivien Penrith demande souvent à Barbara de l'accompagner en voiture chez ses fermiers, et si peu agréable que cela lui soit d'assister à leurs longues discussions sur le rendement de la terre, elle ne répond jamais à son mari par un refus. Bien enveloppée dans un long manteau de loutre, elle brave le froid, le vent et la pluie. Le sentiment du devoir accompli est encore la meilleure arme pour combattre un amour mal éteint et pour la consoler de sa tristesse et de son isolement. Mademoiselle Prissy s'était prise promptement d'affection pour sa nouvelle servante. « C'est une femme de chambre unique, » se dit-elle, « une femme qui a passé par la fournaise du désappointement et qui a été purifiée au feu de l'adversité. Toutes ses qualités se lisent sur sa physionomie grave et austère. On le voit dans sa démarche grave et posée. C'est un véritable présent que Nichols m'a fait là. » Prissy aimait l'adulation, et Madame Morris, c'était le nom de veuve qu'avait pris Madame Peters, ne tarit pas sur l'édification que sa maîtresse donne au monde et sur le respect que doivent inspirer ses vertus. Ses exclamations dévotes sur les dangers de la jeunesse et de la beauté charment Mademoiselle Penrith, qui se dit pendant qu'elle l'habille, « C'est le ciel, apparemment, qui m'a permis de trouver un pareil trésor. » Marc a vendu 2 chevaux. Il n'en a conservé qu'un, mais c'est le plus jeune et le plus difficile. Après avoir ainsi réduit ses écuries, il vit renfermé à son bureau avec une assiduité qui fait le meilleur effet sur Vivien. Marc a l'air chaque jour plus absorbé et plus sérieux. Mais ses dispositions ne choquent personne à Penrith Place, d'où toute gaieté et tout entrain ont disparu depuis le départ de Florence. Les jours s'écoulent. Juin emporte ses roses et ses rossignols, juillet ses fougères royales et ses digitales, août ses bleuets et ses coquelicots, septembre ses brises tièdes et parfumées. Le ciel se charge de nuages, les feuilles tombent et la mélancolie de la nature influe sur le moral de l'homme civilisé. Vers la fin de l'automne, une tristesse nouvelle s'impose au triste et solitaire foyer de Barbara. Vivien, qu'elle n'a jamais vu jusque-là qu'en parfaite santé, dépérit et maigrit à vue d'œil. Il ne peut plus supporter les longues promenades à cheval ou en voiture. « Je n'en puis plus, » s'écrie-t-il, souvent, quand il est seul. « Je suis si abattu, si faible. Ce n'est pas l'âge, cependant. J'ai à peine 50 ans. Quoi qu'il en soit, je doute très sérieusement que je puisse aller loin. Quelque organe essentiel doit être atteint chez moi. Mon père est mort d'une maladie de cœur et je présume que c'est aussi ma destinée. » Puis, sa seconde pensée est pour sa femme. « Il y a toute apparence, dit-il, qu'elle se remariera et qu'elle épousera ce héros fameux qu'elle a tant aimé et qu'elle aime peut-être encore. Sera-t-elle heureuse épouse, heureuse mère? Se rappellera-t-elle parfois, avec quelque attendrissement, celui dont l'attachement passionné, s'il n'a su gagner son cœur, devrait du moins lui laisser un tendre et reconnaissant souvenir. » Vivien Penrith creuse son mal en fouillant l'avenir, mais il veut cacher sa souffrance et ne peut se décider à consulter un docteur. C'est après le déjeuner que le squire est le plus souvent atteint de ces crises. Trouvez-vous à propos que je permette au jardinier de s'absenter pour quelques jours ? Dit un jour Barbara en entrant dans le cabinet de son mari, entre 1 et 2 heures de l'après-midi. Il ne répond mot. Elle s'approche et le croit endormi, mais elle voit qu'il est sans connaissance et qu'une sueur froide perle sur son front. « Êtes-vous malade, Vivien ? » lui demande-t-elle en s'agenouillant près de lui. « Non, » répond-il, « c'est une syncope qui va se passer. Je vais sonner. Non, de grâce !» dit-il. Mais, avant d'avoir achevé ces mots, Madame Maurice, toujours empressée et attentive, a répondu au coup de sonnette de Barbara. « Je vous demande pardon, madame, » dit discrètement Madame Maurice, « mais la sonnette a retenti comme une cloche d'alarme, et je craignais qu'il ne fût arrivé quelque malheur. Monsieur Penrith est souffrant. Apportez-lui tout de suite un cordial. » Madame Maurice s'empresse d'aller chercher ce qu'on lui demande. Barbara se tient à genoux près du sofa sur lequel est étendu son mari. Elle réchauffe, toute tremblante, les mains glacées de Vivien dans les siennes, et fixe un regard anxieux sur ce visage livide et hagard. Vivien, qui s'est trouvé mal, n'a pourtant pas perdu complètement connaissance, mais ses pupilles dilatées ont une expression des plus étranges. « Je ne croyais pas, dit-il, qu'il fût possible d'éprouver de si singulières sensations. Sans souffrir de grandes douleurs, j'aimerais autant mourir. » Madame Maurice apporte un flacon d'eau-de-vie. Barbara en fait prendre un petit verre à son mari, qui se trouve instantanément soulagé. « Je vous recommande de ne rien dire à ma sœur de cette indisposition, » dit brusquement M. Penrith à Madame Maurice. « Je n'aurai garde d'en informer Mademoiselle Penrith si telle est la volonté de monsieur. Mais cela me chagrine bien, car mademoiselle a naturellement plus d'expérience que madame, et ses bons soins, ses bons conseils ne pourraient être que fort utiles à monsieur. Je n'aime pas avoir tant de femmes autour de moi. Madame Penrith me suffit, » dit-il en attachant un long et tendre regard sur Barbara. « J'aurais cependant veillé sur monsieur avec autant de sollicitude que de dévouement. « J'en ai la conviction, » reprit Vivien. « Et si je suis plus malade, je demanderai à ma sœur que vous restiez la nuit près de moi. Mais j'espère que cet accident ne se renouvellera pas. » « Il n'en faut pas moins consulter tout de suite un médecin, » dit Barbara à son mari avec une tendre insistance. « Contre une maladie organique, la science ne peut rien. Si c'est seulement un désordre passager, cela disparaîtra sans médecine ni médecin. » Monsieur ne saurait refuser cette satisfaction à madame et à ses amis. Il faut d'abord que mes amis me laissent tranquille. Du reste, je me trouve bien maintenant et mal passé n'est qu'un songe. Madame Maurice, vous pouvez vous retirer. Surtout pas un mot à ma sœur. Barbara est également bientôt congédiée, mais non sans de véritables démonstrations de tendresse. Vivien se berce de l'espoir que la crise ne reviendra pas. 8 jours plus tard, il y avait à peine 1 heure qu'il était sorti de table, qu'il était repris de la même façon. Il se sent envahi par une faiblesse étrange, par un vertige qui le gagne peu à peu. Il sonne pour avoir de l'eau-de-vie, ouvre la porte, et se trouve face à face avec Didcot, le pharmacien. « Qui diable vous amène ?» dit M. Penrith. Mais avant que Didcot ait eu le temps de répondre que Mlle Penrith est souffrante, le squire tombe inerte et décoloré sur le sofa. Le pharmacien se hâte de dénouer la cravate du malade, d'ouvrir la fenêtre. Il est urgent d'ausculter M. Penrith pour se rendre compte des singuliers symptômes qu'offre ce malaise subi. « Suis-je bien malade ?» murmure Vivien. « C'est assez sérieux, mais je ne doute pas qu'on ne réussisse promptement à conjurer le mal avec des soins, des précautions, des ménagements. Ah, je ne consentirai jamais à vivre comme un enfant dans les lisières et compter tous mes pas, mes morceaux. J'entends vivre comme j'ai toujours vécu ou ne pas vivre du tout. Je vous conjure d'aller consulter à Londres, si vous n'avez pas confiance en ce que je vous dis. » Pour ne pas blesser l'amour-propre de Didcot, Vivien lui demande de revenir le voir le lendemain. Il n'arrive que dans la soirée et trouve Barbara qui l'attend avec anxiété sur le perron. « Vous arrivez bien tard, » dit-elle. « Mon mari a eu tantôt une crise terrible. » Là-dessus, Didcot prescrit à Vivien une potion à prendre toutes les 2 heures. Il est convenu que Barbara restera près de lui dans la journée et que Madame Maurice passera les nuits. Didcot est très déconcerté dans son attente, car la santé du squire s'altère de plus en plus. Barbara tient à son mari douce et fidèle compagnie. Elle lui fait toute la journée la lecture. elle ne veut partager à aucun prix ce devoir avec Prissy. L'amour lui-même ne saurait lui inspirer plus de prévoyance, de précaution et de sollicitude.